Activité quotidienne. Se réveiller. Se lever. Se laver. Se maquiller. Se coiffer. Se parfumer. Se raser. Se doucher. Se sécher les cheveux. Se brosser les dents. Se préparer. S'habiller. Se déshabiller, se coucher, s'endormir. D'autres verbes pronominaux. Se reposer, se détendre, s'exprimer, s'amuser, se dépêcher, se promener, s'appeler, s'intéresser à, se souvenir de. S'installer, se déconnecter, s'occuper de. Verbe réciproque. Se parler, s'aimer, se détester, se disputer, se rencontrer, se retrouver.